Hallelujah. Alléluia. What is the Lord saying to the church? Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église? When he presented on that November 1, quand il présente ce 1er novembre the year 2006, de l'année 2006, at 3 a.m. in the morning, à 3 heures du matin, the two golden and most glorious wedding rings in the sky, les deux très glorieux anneaux d'or dans le ciel, standing at the entrance to heaven that is open, étant placés à l'entrée des cieux qui sont ouverts, between heaven and the sky, entre les cieux et le ciel, and there was tremendous glory abound, et il y avait une énorme gloire en haut, that covered the entire sky and the expanse, recouvrant toute l'étendue des cieux, and even the wedding rings, et même les anneaux de noces, even as in being able to affect the earth, et même en étant capable d'affecter la terre, bringing glorious light to the dark earth, apportant une lumière glorieuse sur la terre sombre. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. We see very clearly here, nous voyons très clairement ici, when the Lord is speaking about the wedding of the Lamb of God, quand le Seigneur est en train de parler du mariage de l'agneau de Dieu, when it comes to that moment, quand il vient à ce moment, when God Almighty, quand Dieu Tout-Puissant, now begins to talk about the precious and most glorious and powerful wedding of the Lamb of God, maintenant commence à parler du très précieux, plus que glorieux, puissant mariage de l'agneau de Dieu. He says, il dit, that because of that day, que à cause de ce jour, because of that event, à cause de ces événements, the rapture of the church, l'enlèvement de l'Église, the wedding of the Lamb of God, les noces de l'agneau de Dieu, heaven becomes totally consumed, les cieux deviennent complètement consumés, with a tremendous felicitation, avec la majestueuse félicitation, a tremendous jubilation, et majestueuse jubilation, with the shouting of joy unspeakable, avec les cris de joie inaudibles qu'on ne peut pas dire, indescribable state of happiness in heaven, indescriptible état de bonheur dans le ciel, a thunderous explosion of joy, et tendre explosion de joie, and celebration, et célébration, and that quickly tells you, et ça vous dit très vite, that as far as the calendar of God Almighty in heaven is concerned, que aussi longtemps que le calendrier de Dieu le puissant est concerné, as far as the calendar events of heaven are concerned, aussi longtemps, aussi loin le calendrier des événements dans le ciel sont concernés, the day of the wedding of the Lamb of God, le jour des noces de l'agneau de Dieu, stands out, ressort within the prophetic calendar of God Almighty, dans le calendrier prophétique du Dieu puissant, as the most important day in the kingdom of God, comme le jour le plus important dans le royaume de Dieu. And that's why it is as though heaven comes to a complete stop. C'est pourquoi c'est comme si les cieux viennent à un stop complet. When it comes the day of rapture. Quand le jour de l'enlèvement arrive. Alléluia. Alléluia. And then you see very clearly here, et vous voyez vraiment clairement ici, that even most important, même le plus important, even much more important, même beaucoup plus important, to the events in heaven, des événements dans les cieux, to why there is joy unspeakable, c'est pourquoi il y a une joie indicible, jubilation, jubilation, celebration, célébration, felicitation in heaven, félicitation dans les cieux, by God Almighty, par Dieu puissant, by the heavenly hosts, par les hôtes du ciel, by the angels, by the entire kingdom of God, le royaume de Dieu tout entier, even much more important, même beaucoup plus important, why there is joy unspeakable, pourquoi il y a une joie indicible, is the fact that the bride of Christ, c'est le fait que l'épouse de Christ, has made herself ready, s'est préparée elle-même. Hallelujah. Alléluia. And so you see that the Lord is using that. Et alors vous voyez que le Seigneur utilise cela to emphasize pour mettre de l'importance on the fact that the church of Christ sur le fait que l'Église de Christ is actually a major partaker, est actuellement participante majeure, is a major participant, est une participante majeure in this mighty event called the wedding of the Lamb of God, dans ce majestueux événement qui s'appelle les noces de l'agneau de Dieu. The church, l'Église, is a very active player, est une joueuse très active in the day of rapture, dans le jour de l'enlèvement. And in fact, et en fait, the jubilation that comes out of heaven, la jubilation qui sort du ciel, arises from the fact that, look, survient du fait que, regardez, now the bride of Christ, the church, maintenant l'épouse de Christ, l'Église, has made herself ready, s'est préparée elle-même. Alléluia. Alléluia. And so the Lord Almighty, in that mighty vision of November 1, et alors, le Seigneur puissant, dans cette puissante vision du 1er novembre 2006, he spoke very mightily to the church. Il a parlé très puissamment à l'Église. In other words, he told the church, en d'autres mots, il a dit à l'Église, look, regarde, to me, this is the most important day. Pour moi, c'est le jour le plus important. And since the Bible puts it very clearly, et depuis que la Bible l'a montré très clairement, that no one knows the day, que personne ne connaît le jour, or the hour of the wedding of the Lamb of God, ou l'heure des noces de l'agneau de Dieu, neither do the angels in heaven, ni les anges des cieux, nor does the Son of Man himself, ni le Fils de l'homme lui-même, our Lord Jesus, notre Seigneur Jésus, but only the Lord God Almighty, the Father of Christ, mais seul le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père de Christ, our Father in heaven, notre Père qui est aux cieux, does know the day, the hour, sait le jour, l'heure, and the specific date of the wedding of the Lamb, et la date spécifique des noces de l'agneau. Now you begin to quickly understand, maintenant vous commencez de comprendre très vite, that this conversation in which he places the two wedding rings in the sky, dans cette conversation dans laquelle il place les deux anneaux dans le ciel, in the mighty vision of the Lord God Almighty, dans la majestueuse vision du Seigneur Tout-Puissant, this conversation is instigated by God Almighty himself, cette conversation est initiée par Dieu le Puissant lui-même, and he is speaking to the church, et il est en train de parler à l'Église. And when I looked at the wedding rings, et quand je regarde aux anneaux de noces, that he was tilting and flipping, qu'il était en train de mouvoir et de bouger, to show their decoration, pour montrer la décoration, I began to understand, j'ai commencé à comprendre, that he was telling the church, look, qu'il était en train de dire à l'Église, regarde, I have already completed, j'ai déjà complété, the building and the developing of the wedding rings, la construction, le développement des anneaux de noces. For the wedding of the Lamb of God. Pour les noces de l'agneau de Dieu. Now, precious viewers, you will understand this now. Maintenant, précieux auditeurs, si vous voulez comprendre ceci maintenant, you'll understand that. Vous allez comprendre ça. Every time there is going to be a wedding. À chaque fois qu'il va y avoir un mariage, even at the human level here, the physical level here. Humaine, même sur le plan humain, sur le plan physique, ici. Every time there is going to be a wedding. Chaque fois qu'il va y avoir un mariage, there must be wedding rings. Il doit y avoir des anneaux de noces. And that's why you see. C'est pourquoi vous voyez. Our Father in heaven presented the two wedding rings. Notre Père dans les cieux présente les deux anneaux de noces. Much more important too. Et encore plus important. Is the fact that. C'est le fait que. Every time there is going to be a wedding. À chaque fois qu'il va y avoir un mariage. And the wedding rings have been prepared. Et que les anneaux de noces ont été préparés. Then, in other words, ensuite, en d'autres mots, the message that is being conveyed forth from there, le message qui a été véhiculé de ci, de là, is that, look, c'est que, regarde, the wedding preparations have now been finalized. La préparation du mariage est maintenant finalisée. Again, I repeat, encore, je répète, that means ça signifie that the preparations for that wedding have been finalized. Que la préparation pour ce mariage a été finalisée. And so, it speaks a lot of volumes to the church. Et alors, ça dit beaucoup de volume à l'Église. Even in the spiritual realm, même dans le domaine spirituel. That when the Lord God Almighty presented those two mighty glorious and golden wedding rings in the sky, que quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant a présenté ces deux puissants, glorieux anneaux d'or dans le ciel, he was essentially intimating to the church that, look, il était en train d'indiquer à l'Église que, regarde, I have finalized the arrangements for the wedding of the Lamb of God. J'ai finalisé les arrangements pour le mariage de l'agneau de Dieu. And that means the wedding is now ready. Et ça signifie que le mariage est maintenant prêt. To put it in other words, pour le dire en d'autres mots, that means any time now, ça signifie que à tout moment maintenant, the wedding of the Lamb can take place. Les noces de l'agneau peuvent prendre place. But even much more deeper, mais encore beaucoup plus profond, is the fact that et le fait que in verse 8, dans le verset 8, he talks about fine linen, il parle à propos de du fin lin, bright and clean, that was given to the bride of Christ to wear, éclatant et pur, qui a été donné à l'épouse pour qu'elle puisse s'en vêtir. And you see very clearly that the fine linen, et vous voyez que très clairement que le fin lin, bright and clean, éclatante et pure, radiant and dazzling, éblouissant et rayonnant, he says, it is the righteousness of the church. Il dit, c'est la justice de l'Église. The righteous acts of the saints, the church. Les œuvres justes des saints, l'Église. In other words, the holiness of the church. En d'autres mots, la sainteté de l'Église. And so God Almighty in heaven, et alors, Dieu, le puissant, dans le ciel, in other words, he's telling the church, en d'autres mots, il dit à l'Église that, look, que, regarde, time has now come, ce n'est pas encore le temps for you to review yourself, pour toi de revoir toi-même, to re-examine yourself, regarde-toi toi-même, examine-toi toi-même, to re-evaluate your Christian walk, de réévaluer tes œuvres chrétiennes, and ask yourself, et te demander toi-même, are you wearing the fine linen, bright and clean? Est-ce que tu es en train d'avoir le fin lin, brillante et claire. In other words, en d'autres mots, are you ready for the wedding? Es-tu prête pour le mariage? Because it says, parce qu'il est dit, there is jubilation in heaven, il y a une jubilation dans le ciel, emanating from the fact that, émanant par le fait que the bride of Christ, l'épouse de Christ, finally wears fine linen, bright and clean, vêtue de fin lin éclatante et pure. Hallelujah. Alléluia. And then he goes on farther on to say, et quand il va plus loin pour dire, blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb of God. Bénis soient ceux qui sont invités au festin de l'agneau de Dieu. Which means it's a make or break. Ce qui signifie fais-le ou casse-le. In other words, if you are not invited, en d'autres mots, si vous n'êtes pas invité, then you are under the curse. Vous êtes celui qui a cassé. So he's saying, il est en train de dire that the church ought to wake up now, mais l'Église devrait se réveiller maintenant to the fact that, au fait que there is the ultimate blessing now, c'est une bénédiction ultime maintenant. She has been blessed in many ways in the previous, in the past. Elle a été bénie de plusieurs manières dans le temps précédent et dans le passé. But now cometh forth the ultimate blessing. Mais maintenant vient la bénédiction ultime. The make or break. Ils font ou cassent. When she has to enter into the kingdom of God. Quand elle demande d'entrer dans le royaume de Dieu. Listen to me, precious viewers. Écoutez-moi, précieux auditeurs. This mighty message on the wedding of the Lamb of God. Ce puissant message à propos des noces de l'agneau de Dieu has brought forth a tremendous revival. A mené un puissant réveil. Right now in Canada. Juste maintenant au Canada. In the Latin America. En Amérique latine. In the nation of Kenya, tremendous. We see more than 2 million people lift up their hands and receive Christ Jesus. Dans la nation du Kenya, énorme. Vous voyez 2 millions de gens qui lèvent leurs mains et donnent leur vie à Jésus-Christ. We've seen baptism of tens of thousands of people. Nous avons vu des dizaines de personnes se baptisant. We have seen the explosion of revival, the explosion of healing. De réveil. Nous avons vu une explosion de réveil, une explosion de guérison. There is a tremendous outpour. Il y a énorme déversement of the Spirit of the Lord. De l'Esprit du Seigneur. And if you look at it very carefully within the Bible, you tell it to the Bible. Et si vous regardez cela dans la Bible, si vous le connectez avec la Bible, you see that it matches. Vous voyez que ça correspond. Even the dispensation of Joel that the Lord so much celebrates in the Bible. Même la dispensation de Joël que le Seigneur si souvent célèbre dans la Bible. When he says that afterward, in those days, quand il dit après, dans ces jours, I'll pour out my spirit, je veux déverser mon esprit, meaning to restore the church, signifiant restaurer l'Église. That the Spirit of the Lord, que l'Esprit du Seigneur, the life-giving Spirit of God Almighty, la vie donnée par l'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, may finally flow into the church, peut finalement être déversé sur l'Église and restore the church, et restaurer l'Église. Alléluia. Alléluia. And so I want to move further on, precious viewers. Alors, je vais aller plus loin, précieux auditeurs. And even elucidate and open to you, unveil to you. Et même élucider, vous ouvrir the deeper hidden message on the wedding of the Lamb of God. Le message profondément caché des noces de l'agneau. What is God Almighty saying? Qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant dit? By placing the two identical, en plaçant les deux anneaux identiques, spiritual wedding rings in the sky, spirituels dans le ciel, Remember, they are spiritual wedding rings. Souvenez-vous qu'il s'agit d'anneaux de noces spirituelles. God is telling the church, Dieu est en train de dire à l'Église that look, que regarde, Christ Jesus, Jésus-Christ, ever since he ascended into the kingdom of God into heaven, même depuis qu'il est monté dans le royaume de Dieu dans les cieux, seated on the right hand side of the Father, assis à la droite du Père, he is the spirit-filled man. Il est un homme rempli de l'Esprit. We know that from Isaiah chapter 61. On le sait par Ésaïe le chapitre 61. And Matthew chapter 3. Et Matthieu chapitre 3. Turn with me, precious viewers. Tournez avec moi, précieux auditeurs. To the book of Matthew chapter 3. Dans le livre de Matthieu chapitre 3. So you may be able to understand what the Lord is saying. Alors vous allez être capable de comprendre ce que le Seigneur dit. To the church. À l'Église. Matthew 3, verse 11 on. Matthieu 3, verset 11. Alléluia. Alléluia. Verse 13 onwards is better. Le verset 13, c'est mieux. Let me read the Amplified instead of King James. Alors, laissez-moi lire dans la Amplifiée à la place de King James. He says, then Jesus came from Galilee. Il dit, alors Jésus vint de la Galilée. To the Jordan. To John to be baptized by him. Au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. But John protested strenuously, having in mind to prevent him saying. Et Jean s'y opposait énergiquement, ayant en tête de le prévenir, disant. It is I who have need to come to me. C'est moi qui ai besoin. Et tu viens à moi. Verse 15. Le verset 15. But Jesus replied to him. Jésus lui répondit. Permit it just now. Laisse faire maintenant. For this is the fitting way for both of us. Parce que c'est la manière convenable pour tous les deux. To fulfill all righteousness. Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. That is to perform completely whatever is right. C'est pour exécuter complètement ce qui est juste. Then he permitted him. Et ensuite, il le lui permit. And when Jesus was baptized, et quand Jésus a été baptisé, he went up at once out of the water. Il est d'abord sorti de l'eau. And behold, heavens were opened. Et voici les cieux s'ouvrirent. And he, John, saw the Spirit of God Almighty. Et lui, Jean, vit l'Esprit de Dieu Tout-Puissant descending like a dove and alighting on him. Descendre comme une colombe et venir sur lui. And behold, a voice from heaven said, et voici une voix des cieux a dit, this is my son, celui-ci est mon fils, my beloved, mon bien-aimé, in whom I delight. En qui j'ai toute mon affection. Well, in the book of Isaiah, chapter 61, ensuite, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, this is what the Lord says, voilà ce que le Seigneur dit. That you may be able to know, precious viewers, que vous pouvez être capable de savoir, précieux auditeurs, that he is the spirit-filled man, qu'il est l'homme rempli de l'Esprit. An important revelation that's embedded. Une importante révélation est intégrée within the November 1 vision dans la vision numéro 1 of 2006 at 3 a.m. 2006 à 3 heures du matin. Look at what it says here. Regardez ce qu'il est dit ici. Isaiah 61. Ésaïe 61. I'm reading from Amplified again. Je lis encore dans la version amplifiée encore. He said, the Spirit of the Lord God is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Because the Lord has anointed and qualified me to preach the gospel. Car le Seigneur m'a oint et m'a qualifié pour prêcher l'Évangile. Of good tidings to the meek. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. The poor. Les pauvres. And the afflicted. Et les affligés. to proclaim liberty to the physical and spiritual captives. Pour proclamer la liberté aux captifs spirituels et physiques. And the opening of the prison. Et la délivrance aux prisonniers. And of the eyes to those who are bound. Et ouvrant les yeux de ceux qui sont liés. So you see very clearly here. Alors vous voyez vraiment clairement ici. Even in Isaiah 41. Même dans Ésaïe 41. That our Lord Jesus. Que notre Seigneur Jésus. Is a spirit-filled man. Est un homme rempli de l'esprit. Seated on the right hand side of our Father in heaven. Assis au côté droit de notre Père qui est aux cieux. And that's why. Et c'est pourquoi. When the Lord God Almighty. Quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Presents the two mighty and golden glorious wedding rings in the sky. Présente les deux puissants et glorieux anneaux d'or dans le ciel. At that 3 a.m. on November 1, 2006. À 3 heures du matin du 1er novembre 2006. In the mighty vision of the Lord God Almighty. Dans la puissante vision du Seigneur le Dieu Tout-Puissant. He essentially. Il est essentiellement spoke to the church, en train de parler à l'Église a very mighty revelation. Dans une très puissante révélation. He said, look, il a dit, regarde, the wedding rings have been prepared. Les anneaux de noces ont été préparés. They are very identical, which means similar. Ils sont très identiques, ce qui signifie similaire. And yet, et maintenant, they are spiritual wedding rings. Ils sont des anneaux de noces spirituels. The bridegroom is a spirit-filled man. L'époux est un homme rempli de l'esprit. The wedding rings are spiritual wedding rings. Les anneaux de noces sont des anneaux spirituels. And yet the wedding of the Lamb of God. Et maintenant, le mariage de l'agneau de Dieu. Is a spiritual wedding. It's not a physical wedding. C'est un mariage spirituel. Ça n'est pas physique. Ça n'est pas un mariage physique. It's a spiritual wedding. C'est un mariage spirituel. So God Almighty. Alors, le Dieu puissant. In other words, give the church the most important wake-up call. En d'autres mots, il donne à l'Église le plus important réveil, appel au réveil. He said, look. Il dit, regarde, you too have to be spiritual. Vous aussi, vous avez à être spirituel. If you are going to be a partaker in this wedding. Si vous voulez être un participant de ces noces. And how can the church be spiritual, precious viewers? Et comment l'Église peut-elle être spirituelle, précieux auditeurs? In other words, en d'autres mots, God of heaven, le Dieu des cieux, is centralizing the role of the Holy Spirit in the church. Centralise le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. He's saying the dispensation has arrived. Il est en train de dire la dispensation est arrivée. And the time has now come. Et maintenant le temps est venu. When the church has to centralize the Holy Spirit. Quand l'Église a centralisé le Saint-Esprit. In her Christian walk. Dans notre marche chrétienne. She has now to embrace him, open her heart. Maintenant, elle doit embrasser, elle doit ouvrir son cœur. Receive the Holy Spirit. Reçois le Saint-Esprit. Be transformed by the Holy Spirit. Sois transformé par le Saint-Esprit. From a more physical church that we are seeing today across the globe. Pour une Église plus physique que nous avons vu tout autour du globe. Today we see a church that is more focused on the earthly realm. Aujourd'hui, nous voyons une église qui est plus centralisée, focalisée sur le domaine terrestre. The earthly things. Les choses terrestres. The physical things. Les choses physiques. The prosperities of the earth. La prospérité sur la terre. And even the preaching of the word is now more focusing the saints to an earthly living. Et même la prédication de la parole est plus en train de focaliser les saints sur une vie terrestre. And that's why the Lord brought up this wake-up call. Et c'est pourquoi le Seigneur a amené cet appel au réveil. And he said, et il dit, it is time to wake up. C'est le moment de se réveiller to the realization that à la réelle réalisation que the moment has arrived. Que le moment est arrivé to embrace the Holy Spirit, de recevoir le Saint-Esprit that he may transform you. Qui, pour qu'il puisse vous transformer. Precious viewers, listen to this. Précieux auditeurs, écoutez ça. The Holy Spirit of the Lord, le Saint-Esprit du Seigneur will always bring the life spirit, the life of God. Veut toujours apporter la vie de l'Esprit, la vie de Dieu, and infuse it into the church. Et l'infuser dans l'Église. The Holy Spirit of God, le Saint-Esprit de Dieu is the life-giving Spirit of God, est celui qui donne la vie de Dieu that flows from the throne of God in heaven, qui coule du trône de Dieu dans le ciel, in the sacred holy temple of God Almighty in heaven, dans le temple sacré et saint du Dieu Tout-Puissant dans les cieux, and flowing directly into the church of Christ, et coulant directement dans l'Église de Christ. And listen to me, precious viewers. Et écoutez-moi, précieux auditeurs. And he brings the wisdom of God into the church. Et il apporte la sagesse de Dieu dans l'Église. Why do I bring in wisdom of God? Pourquoi est-ce que j'apporte là la sagesse de Dieu? Listen very carefully. Écoutez très attentivement. When it came time for Jesus of Nazareth, quand le temps est venu pour Jésus de Nazareth to speak about the wedding of the Lamb of God, de parler à propos des noces de l'agneau de Dieu, to talk about the rapture of the church, de parler à propos de l'enlèvement de l'Église, he gave a parable. Il a donné une parabole. And the parable he gave is in Matthew chapter 25. Et la parole qu'il a donnée, la parabole qu'il a donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Precious viewers. Précieux auditeurs. Matthieu 25, verses 1 to verse 13. Matthieu 25, les versets 1 jusqu'au verset 13. He spoke about the rapture of the church. Il a parlé à propos de l'enlèvement de l'Église. And there is something I want you to catch from there. Et j'aimerais que vous preniez quelque chose de ceci. There are two churches he speaks about in that scripture. Il y a deux églises dont il parle dans cette écriture. The wise church, l'église sage, which means has wisdom, qui signifie qu'elle a la sagesse, the wisdom of God, la sagesse de Dieu, and the foolish church, et l'église folle. It is time to wake up. C'est le moment de se réveiller to the realization that the moment has arrived, à la réalisation que le moment est arrivé to embrace the Holy Spirit, de recevoir le Saint-Esprit that he may transform you, pour qu'il puisse vous transformer. Alléluia. Alléluia.